Chapitre 7. Taxi ! Le chauffeur de la voiture stoppa. Une jeune femme s'engouffra à l'intérieur et lança « Au Claridge !» Malgré lui, Jacques Régnier sursauta. Un rire moqueur partit derrière lui. Se retournant, il reconnut Yvonne. « Allez au bois, lui dit-elle, nous pourrons y bavarder un peu. » Maintenant, ils marchaient côte à côte. « Quand j'ai entendu l'adresse que vous me donniez, cela a évoqué pour moi de mauvais souvenirs. »« Vous avez eu une chance folle, au contraire. Si Pellucci n'était pas venu là, vous n'auriez jamais pu établir votre innocence. Et les traces manquaient pour retrouver l'assassin. Vous aviez eu soin de les faire disparaître. Pauvre assassin, il n'a pas eu de veine. » Après avoir eu l'occasion de commettre un crime parfait, il arrive, par un de ces hasards sinistres dont la vie a le secret, à se faire prendre bêtement. Quant à la femme pour laquelle il tue, elle va se remarier. Et vous, qu'allez-vous faire ? Je pense quitter bientôt ce métier. Mon oncle, mon seul parent, est sur le point de me pardonner mes fredaines de jeunesse. Il a une grande propriété en Bourgogne et je vais aller m'y installer dès que le procès Pellucci sera terminé. J'aspire après une vie calme. Je vous comprends, soupira Yvonne. Moi non plus, je n'étais pas faite pour être une aventurière. Vous avez été très brave. Vous aussi. Les deux jeunes gens rougirent. 3 semaines s'étaient passées depuis leur tragique rencontre. Les minutes qu'ils avaient vécues avaient marqué très fort et créé entre eux une sorte d'intimité. « Si nous allions à la campagne pour la journée, » proposa Jacques tout à coup. « Pourquoi pas ? Nous apprendrions à nous mieux connaître. » Ils partirent gaiement. La sinistre aventure s'estompait. Il n'y avait plus devant eux que l'aventure tendre qui peut unir 2 êtres jeunes et confiants, d'autant plus amoureux de la vie qu'ils avaient cru la perdre ensemble. Fin du roman de Michel Nicolaï, Un cadavre encombrant.